arrêter un point, à le regarder avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et pendant que vous fixez ce point, ses couleurs, sa luminosité, que vous vous laissiez porter par ma voix, à un moment, les yeux vont se fermer et vous entrerez dans un état hypnotique. Et ce qui est formidable avec l'état hypnotique, la transe, c'est que ça permet d'avoir accès aux ressources de l'inconscient. Ça permet de court-circuiter les blocages. Et cela permet de faire travailler en soi les différentes parties qui peuvent être antagonistes pour trouver un consensus, pour créer en soi une unité qui crée l'envie. Alors vous n'avez pas d'effort à faire, même à certains moments, certains mots vont vous échapper, des phrases entières. Et puis à un moment, les yeux se fermeront, ce sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, ça viendra de plus en plus rapidement et l'état sera de plus en plus profond. Mais dès le départ, vous allez sentir une convergence en vous, une envie d'agir qui va naître, se développer, se renforcer et devenir la plus belle des habitudes. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix, bien sûr, qui va se préciser en vous pour vous guider. Et tandis que vous prenez conscience de cet environnement sonore, de ma voix toujours plus précise, de ce processus d'intériorisation, si typique de la transe, de l'hypnose, dans lequel vous êtes en train de rentrer, et qui se traduit au départ parce que vous vous êtes posé, parce que vous vous laissez porter par ma voix, parce que peut-être déjà vous connaissez le chemin de l'hypnose. Cela se traduit par des choses simples. C'est une respiration plus lente et surtout plus régulière. Et ce sont les sensations du corps qui deviennent... Les émotionnels sont très liés à la respiration profonde. Comme si vous alliez vous lancer à fond dans l'action. Mais là, ce sera à fond dans la relaxation, dans l'hypnose. Parce que la respiration va s'approfondir toute seule. Pensée s'accroche et se décroche. S'accroche et se décroche. Profonde. Vous inspirez. Dans les poumons comme des racines de calme. Air. Pour entrer de plus en plus en transe. Comme, le poids de la respiration. C'est un peu comme si le corps allait d'un côté, les bras un peu plus lourds, les jambes tordues. Pour laisser l'esprit aller de l'autre, faire quelque chose de plus léger, de plus inconscient, de plus lié à l'imagination. Et de chaque côté, c'est l'état de transe, la lourdeur engourdie de la transe pour le corps, la légèreté de la pensée qui plane pour l'esprit. Alors le corps est lourd sur ce fauteuil ou sur... ce lit. Celui-ci est solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit. Ces fondations ancrées sur la ville. La ville ancrée sur la terre. La terre ancrée dans le système solaire. Le système solaire ancré dans la galaxie. La galaxie ancrée dans l'univers. Et l'univers ancré dans le temps, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, tout simplement. Sur ce qu'on pourrait décrire comme peut-être une manière de hacker son cerveau ou de le programmer, on se rend compte que lorsque, en imagination, On s'imagine courir ou parler. Ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont stimulées. Et cela montre bien que l'on peut préparer à l'avance son action. Et plus on va la préparer quotidiennement, si possible avec l'hypnose, et plus elle va devenir facile. Moins on réfléchira, plus elle deviendra automatique. Et si on y rajoute une dose de joie, d'insouciance, d'allant, d'entrain, eh bien, on aura la plus belle des choses, ce qu'on appelle la motivation. Mais pour déjà commencer, il faut perdre un peu le conscient. Oublier, d'oublier, d'oublier, comme effacer des mots sur un tableau noir. C'est aussi finalement se perdre dans les méandres d'une confusion où le conscient, l'inconscient, le préconscient, mais aussi ce qu'on peut appeler le subconscient, le surmoi, le ça, quel que soit finalement dans ces états du moi, la représentation que l'on donne à tous ces états pour que les causes, les conséquences semblent inversées. Vous entrez un peu plus profondément en transe, votre motivation future. Cette motivation que vous allez sentir grandir de séance en séance et qui s'installera à son rythme dans votre vie, parfois d'une manière fulgurante, parfois par étapes, comme une sorte de récompense à l'action. Et aussi parce que votre inconscient respecte le tempo nécessaire pour que vous puissiez progresser. Alors, dans ces différents niveaux, ces différentes parties de soi qui constituent à la fois une représentation, mais peut-être une structure ou un modèle sur lequel on peut agir, mais aussi créer, développer des apprentissages. Entrer encore un peu plus en transe, tout simplement. Deux, décroche. Que faire, se faisant se faire? N'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Pense agréable. Et ma voix et votre respiration. Tout cela va vous amener dans une transe encore plus profonde, encore plus sereine. C'est très bien. Et le mouvement, mobilis in mobile, comme le dit le capitaine Nemo, cette évidence de ce que l'action crée finalement. Résultat et l'action créent la motivation future. La motivation est comme l'appétit qui vient en mangeant. C'est-à-dire que l'action crée la motivation qui crée l'action. Mais souvent, il faut commencer par l'action. Sauf lorsque, comme dans cette séance d'hypnose, la projection, l'anticipation positive du changement va nourrir très fortement en amont la motivation. Prie inconscient vous fasse imaginer qu'il y a du monde quelque part là-bas. Les vallées, la plaine, à la base de cette montagne. Des lieux de pèlerinage, des lieux associés à des lamas célèbres, très saints. Changement, des lieux où l'on va quand on aspire à quelque chose de différent dans sa vie, quand on aspire à un changement. Soit un changement extérieur, l'envie d'être davantage en quelque sorte se fait. grande montagne. Et à la base, des moines, des croyants, des bouddhistes qui tournent autour de cette grande montagne. À tout de suite, de ce sommet. Non, ils tournent autour jusqu'à ce que vraiment en eux se crée de leur désir, l'évidence de leur prière, l'évidence de leur volonté. Car il ne faudrait pas grimper jusqu'au lieu sacré si en soi vit encore une ambiguïté. Alors, pendant que vous vous mélangez à cette foule, porté par elle, guidé par cette ambiance qui culmine du haut de ces 8850 mètres. Eh bien, en vous, changez dans votre vie ce qui mérite de la motivation, de l'énergie, de la facilité. Et peut-être même le voir. Différentes parties, ou qui au contraire le craignent, ou font barrage. Alors peut-être avez-vous déjà en vous une sorte d'unité. Si ce n'est pas encore le cas, vous laissiez parler ces différentes parties en vous, jusqu'à ce qu'elles trouvent un consensus qui permettra de respecter leurs intentions positives. Vous permettre de percevoir la sincérité de votre désir. On ne le souhaite pas vraiment. Pour être dans une norme, un moule social, parfois par habitude, par répétition, parfois pour faire plaisir à quelqu'un, parfois parce que on considère que c'est la voie du succès, de la réussite, le reflet de notre désir profond. De parties qui ne désirent pas cela, veulent autre chose. Écoutez-les et acceptez que votre motivation porte sur autre chose. Un travail ne vous plaît plus. Acceptez que votre motivation se porte sur une activité à l'extérieur ou sur une formation pour changer de travail. Famille, du couple, de l'amitié. Sur laquelle on doit apprendre à surfer, dans le sens inverse évidemment. Le sentez de plus en plus en vous alors que vous tournez autour de ce monde, porté dans cette ambiance de piété, par cette ambiance de piété, de sacré, ce vers quoi vous devez vous diriger. 2 minutes vous fasse vivre cet objectif une fois qu'il aura été réalisé. Dans toute sa simplicité, taille, qu'il faut tisser, qu'il faut créer, peut-être défricher pour y parvenir, la motivation, elle va naître de cette projection. Les images, les sons, les sensations se précisent. Et dans le corps, une satisfaction profonde, sereine, une vibration joyeuse vous indique que vous avez choisi le bon cap. Quand vous, tout s'aligne pour qu'il n'y ait plus d'opposition que les choses deviennent faciles. Et comme vous le savez, vivre à l'avance ce succès, car si c'est la réalisation d'un désir, il n'y a que vous qui déterminez, qui pouvez déterminer ce qu'est le succès, la réussite. À la fois cette paix, vibration joyeuse, cette motivation qui se développe pour créer en vous une énergie illimitée, joyeuse, spontanée, efficace, naturellement combative. Très belle phrase. En fait, de victoire, rien ne nous plaît plus que les batailles. Et ce que vous allez vivre au travers de la motivation, c'est le plaisir des batailles, des combats, le plaisir de la sueur, de la construction, du travail. Tirerez encore plus de motivation, encore plus de satisfaction. Une action soit facile et que la motivation soit au rendez-vous. Il faut justement que cette action soit facile, qu'elle apporte des joies, qu'il y ait des étapes. Si vous regardez l'Everest, ce mont, et que vous dites « il faut absolument que j'aille tout en haut », couragez. Simplement 50 mètres dans sa direction n'est pas suffisant. Qu'aller découvrir le refuge un peu plus haut, pas suffisant. D'accepter les étapes. Mais surtout, pour être motivé, il faut que vous perceviez toutes les petites victoires que vous allez vivre au fur et à mesure du chemin, de la montée, et que vous perceviez à l'avance toutes les satisfactions, les victoires que vous allez en tirer. Il n'y a jamais de motivation dans l'aliénation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir dans ce qui ne se termine pas. Il n'y a du plaisir, de la motivation, que dans ce qui est faisant, fait en entier, de notre envie, de nos talents. Alors pendant 2 longues minutes, va vous faire vivre ce chemin, cette agréable montée. Croire qu'il faut aller tout en haut de ce sommet à 8850 mètres, c'est une convention. On respire difficilement, là-bas on a froid, là-bas le monde est dangereux. Non. Vivre ces changements que vous êtes bien, c'est peut-être simplement à avancer dans votre vie que vous êtes bien. Mais votre inconscient connaît la réponse, alors pendant ces 2 ou 3 prochaines minutes, il va vous faire vivre à l'avance, de quelle manière simple. Il vous fera vivre à l'avance les joies que vous aurez à chaque réalisation, la joie que vous aurez simplement à sentir que vous progressez. Une belle motivation naît dès le premier pas, lorsque l'on sait qu'on ira jusqu'au bout, lorsque l'on fait confiance à son envie, à son inconscient. Précise, et vous serez sûrement étonné de découvrir, lorsqu'on s'autorise la créativité et la recherche de la facilité, de découvrir à quel point certains chemins qui nous semblaient tortueux, impraticables, peuvent s'avérer très simples lorsqu'on s'autorise à faire tape, un peu comme des cartes, qui invitaient à décomposer un problème compliqué en autant de petits problèmes simples, en sous-projets, en étapes, lorsque chaque étape est l'occasion de se réjouir et de sentir qu'on a bien travaillé. Alors tout le chemin en entier devient facile. Comment grimper en haut d'une montagne si on veut vraiment y grimper? Eh bien, faire un pas après l'autre et non pas regarder le sommet. 6. Et en vous naît le sentiment de la faisabilité de ce projet, qu'elles ne peuvent pas être faciles. Surtout, parlera dans un instant votre motivation à se réjouir des échecs lorsqu'on ne se relève plus, accepte ces échecs, qu'il devient facile de tomber et de se relever les quelques fois où ça arrivera. Et pour un peu plus tard dans notre hypnose. Quand vous répéterez cette séance de soir en soir, des détails vont se rajouter, des solutions apparaître, de nouveaux défis aussi. Et c'est comme ça que, à l'avance, vous allez programmer votre esprit, facilité, joie, pour agir dans la motivation. Le corps est fatigué. Si jamais vous n'avez pas respecté votre sommeil ou les temps de pause, de repos, qui veut aller loin ménage sa monture, c'est tellement vrai. Alors, prenez soin de vous. Acceptez. Cette séance, même une fois de plus, pour simplement nourrir à nouveau comme un feu que l'on nourrit le brasier de sa motivation. De se résoudre à l'échec. Ça ne veut pas dire non plus accepter, déclarer forfait, c'est se dire, prends des échecs. Compliqué qu'il semble, a toujours sa solution. Il suffit de s'accorder un peu plus de temps. Il suffit aussi de trouver une fierté, d'accepter ses échecs et d'avancer en tenant compte, sans jamais considérer que c'est une injustice, peut frapper n'importe qui. Comme une plante monte jusqu'à, porter des graines et se semer à nouveau dans d'autres projets, dans une motivation plus générale et plus grande. Anticipez avec douceur qu'arriveront les petits échecs, ce qu'on appelle des revers. Anticipez aussi la manière avec laquelle vous releverez du sage. La Wild Odon disait un peu comme une boutade. Non, c'est tout le nom que l'on donne aux leçons tirées de nos erreurs. Et cela n'a rien de comique ni d'ironique. C'est quelque chose de beau. Capable de se relever, plier puis se relever, et être toujours capable de le faire. Votre inconscient, encore une fois, des batailles que vous allez mener, de la manière que vous aurez de rebondir. Et sentez que pour une fois, donne davantage confiance en vous-même de tomber. Il est inarrêtable. Vraiment pour lui-même. Maintenant, j'aimerais, sans le sentiment de confiance, de motivation qui est en vous, bien sûr, vous ressentirez ce sentiment d'une manière plus forte et se nourrir de vos combats, de vos actes. Non, si vous souhaitez simplement utiliser l'hypnose pour la motivation, mais si vous souhaitez porter par ce beau sentiment, glisser jusqu'au sommeil, et emporter dans vos rêves l'arête de vos rêves intérieurs, la motivation, donc. Vous portez par ma voix, et j'aimerais simplement ce à quoi ressemblera votre vie une fois que vous aurez réussi ce projet. Ou bien, qui ne demande qu'à infuser en vous, orne les flancs de cette montagne, les moines chanter sur deux tons, entendez les bols chantants. Laissez ce sentiment de méditation vous envahir et, pur du monde, et en vous une vraie sérénité s'installer. Qui va vous conduire jusqu'au sommet. Une réalité vécue à l'avance, celle de vos succès futurs. Ou une autre réalité, faite de changements, d'apprentissage, de méditation, de sagesse, ici, sur le toit du monde, entouré des gens, des conseils et de l'atmosphère qu'il faut pour qu'en vous se développent aussi ces qualités de sagesse, d'intérioriser, d'intérieur, et aussi de tempérance, de confiance. Pour laisser reposer l'inconscient, créer le réel pour vous. Mais déjà, vous l'aurez certainement remarqué à certains moments, comme des absences, des filaments de sommeil, peut-être même aussi des filaments de rêve. L'esprit qui ira à droite et à gauche, dans ce que l'on appelle si joliment l'état hypnagogique, cet état qui précède le sommeil. Alors, le symbole côté intérieur. L'inconscient crée pour vous le monde nécessaire à votre évolution. Et par ce monde qui vous change, renforce la transe, qui renforce ce monde, alors que le corps, lui, déjà, s'endort. La respiration, celle d'un dormeur. Profonde, lourde, calme, comme cela. m'endormais de plus en plus. Le silence qui va suivre. Heure où vous passerez d'un monde à l'autre.